Vous qui partez bientôt en voyage depuis les gares ou aéroports de Lyon, imaginez seulement arriver au dépose minute avec votre voiture et la récupérer au même emplacement dès votre retour. Hector vous propose un service de voiturier avec parking qui récupère et stationne votre véhicule pendant votre séjour. À votre retour, le voiturier vous rapporte votre véhicule et s'adapte en cas de retard. Rendez-vous sur hectorparking.com ou sur l'application mobile pour réserver en quelques clics votre voiturier. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Prohibé, dépénalisé, légalisé. Doria Zénine, Lydia Benitzrak. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. En fait, sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation, il y a beaucoup de peurs qui sont liées aux représentations de l'interdit. Marie Geoffrey Roustine. C'est-à-dire qu'il y a certaines drogues qui sont perçues comme dangereuses parce qu'elles sont interdites. Hein. Donc en fait, quand on parle par exemple de la légalisation du cannabis, les craintes qui y sont associées, ça peut être le prosélytisme. C'est de se dire, ben, si on légalise le cannabis, tout d'un coup, on va délivrer un message à la population et en particulier aux jeunes, selon lequel le cannabis serait un produit qui n'est pas dangereux, avec la crainte que ça puisse donner lieu à une augmentation de la consommation de cannabis chez les jeunes. Parce que dans l'esprit des gens, souvent ce qu'on a, c'est que, et surtout en France, l'État, et c'est moins le cas dans d'autres pays, par exemple anglo-saxons ou comme aux États-Unis, en France, l'État est là pour nous protéger. Donc si l'État est là pour nous protéger, on considère qu'il doit nous protéger des dangers de la drogue. Ensuite, ce qu'on voit dans les études qui ont été menées dans les pays qui ont légalisé l'usage de drogue ou dans les pays qui sont plus tolérants vis-à-vis de l'usage, qui ont mis en place des formes de législation qui vont vers une forme de dépénalisation, les données sont très intéressantes parce que on voit par exemple que la France, qui en Europe est un des pays les plus prohibitionnistes, donc il y a un des pays qui a une des législations les plus répressives d'Europe. La France est un des pays où on a le plus haut niveau de consommation de cannabis chez les jeunes. Et à l'inverse, d'autres pays, par exemple, comme les Pays-Bas ou le Portugal, qui ont des politiques plus tolérantes vis-à-vis de l'usage de drogue, là, on observe des niveaux de consommation qui sont plus faibles chez les jeunes. Donc, en fait, ces craintes concernant le fait que dépénaliser ou légaliser serait une forme de prosélytisme qui donnerait lieu ensuite à une augmentation de la consommation chez les jeunes, elles ne sont pas fondées. Elles ne résistent pas à l'épreuve des faits scientifiques et elles ne résistent pas face aux chiffres. Vous pouvez avoir des personnes qui vont utiliser de la cocaïne qui est perçue comme une drogue plus dure, qui vont avoir un usage entre guillemets doux des drogues dites dures, comme on peut avoir du cannabis un usage dur. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle depuis les années 90, différents rapports ont mis en évidence que c'était pas uniquement les propriétés pharmacologiques des produits qui pouvait entraîner une dépendance, mais également différents facteurs liés aux caractéristiques des individus et également au contexte à la fois social, politique et économique dans lequel les personnes consomment. Quand on s'intéresse aux dommages liés aux drogues de manière générale, on voit que les dommages sanitaires liés au tabac et à l'alcool, ils sont extrêmement importants en France. Vous avez près de 50 000 morts par an liés à l'usage d'alcool, près de 80 000 morts par an liés à l'usage du tabac. Le nombre de morts liés à l'usage du cannabis, qui est un produit, lui, qui est illicite, est sans commune mesure avec ce qu'on peut observer pour le tabac et pour l'alcool. Donc je pense que c'est déjà important de repositionner les choses en disant la distinction drogue dure et drogue douce, elle n'existe pas vraiment, même s'il y a des propriétés pharmacologiques un peu différentes, et c'est vraiment l'usage qui est fait de ces différents produits qui va donner lieu à une dangerosité du produit et la manière dont on va le consommer et le contexte dans lequel on va le consommer. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, Le fait de consommer des drogues dans un régime prohibitionniste, le régime prohibitionniste lui-même peut rendre le produit encore plus dangereux. Quand dans un pays comme la Russie, vous consommez de l'héroïne, mais que vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à des seringues stériles, vous allez quasi automatiquement être contaminé par le VIH. Donc la législation qui a été mise en place en Russie autour des drogues est parfois plus dangereuse que le produit lui-même, alors que dans un pays comme la France, qui certes est prohibitionniste, mais qui, dès les années 80, a autorisé la vente libre des seringues en pharmacie, quand aujourd'hui vous consommez de l'héroïne en France, vous avez la possibilité de ne pas être contaminé par le VIH, parce que vous allez avoir plus facilement qu'en Russie accès à des seringues propres. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le contexte politique dans lequel les individus consomment a un impact aussi sur les dangers auxquels cette personne va être exposée. Alors, sur la question de la théorie de l'escalade, donc c'est une théorie qui a été invalidée d'un point de vue scientifique parce que la majorité des personnes qui consomment du cannabis ne vont pas ensuite consommer de l'héroïne ou de la cocaïne ou du crack. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand on pense à la théorie de l'escalade, on pense drogues illicites vers drogues illicites, c'est-à-dire on pense que le cannabis va amener les individus à consommer d'autres drogues illicites. Sauf qu'en fait, quand on regarde les trajectoires des personnes qui consomment de l'héroïne ou de la cocaïne, on voit qu'elles ont tout autant consommé des médicaments, du tabac, de l'alcool, et parfois plus que du cannabis. Et c'est pas pour autant que dans les discours des politiques, on entend si vous consommez de l'alcool, vous allez être amené ensuite à prendre des drogues dures. Donc si on a essayé d'avoir une vision un peu plus objectivée en fait de la question et qu'on s'intéressait aux produits qui ont été consommés par les personnes qui consomment de la cocaïne ou de l'héroïne avant donc ces produits-là, eh ben on verrait que l'alcool, le tabac et les médicaments sont souvent plus présents que le cannabis lui-même. Michel Hautefeuille, cette dimension politique, alors qu'est-ce que vous entendez par là ? Ben, on n'entend pas grand-chose. On n'entend même rien du tout. C'est quand même étonnant de voir un pays comme la France, qui est le pays des idées et des innovations, voir que sur un sujet aussi important que la gestion des drogues par une société, non seulement il n'y a aucun changement de la loi, mais en plus il n'y a aucun débat, aucune discussion. La loi du 31 décembre 70 reste une loi d'exception dans le droit français, avec une interdiction par rapport à la liberté individuelle de jouir de son corps et de son esprit dans la mesure où on n'entrave pas la liberté d'autrui. Bon, on n'a pas le droit de le faire, c'est interdit. Bon, et en France, on en est encore à ce que le ministre de la Santé peut déclarer sans que tout le monde rigole, ah, on va mener des études pour voir si le cannabis est thérapeutique. On le sait que c'est thérapeutique, ça fait 40 ans qu'on le sait. Et puis le troisième truc qui me paraît grave aussi, c'est en termes de pédagogie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pire loi que les lois qui sont transgressées en toute impunité. Et la loi du 31 décembre 70, globalement, est... Alors ça peut paraître paradoxal comme discours, mais on est dans une loi qui n'est pas appliquée, ou qui est diversement appliqué. C'est-à-dire qu'il peut être appliqué en fonction de la tête de l'individu, de son lieu d'interpellation, c'est-à-dire qu'il quitte à être interpellé avec du shit sur soi, il vaut mieux l'être dans un arrondissement parisien ou dans une ville de banlieue que de l'être dans la sous-préfecture de je ne sais pas quel département. Parce que dans la sous-préfecture du département en question, ça va être l'affaire de drogue du siècle. Et il y a de grandes chances, enfin ce qui se passe, c'est que les gens s'en prennent plein la tête. Enfin, à Paris, globalement, ça va être un rappel à la loi et puis basta, terminé. C'est injuste. Une loi, par définition, elle doit être applicable et puis juste quand même. Bon. Et alors, là, nous, on peut être un peu embêtés parce que justement, un de nos trucs, c'est d'apprendre aux gens qui viennent nous voir que la loi, ça sert à quelque chose. Et que c'est pas que injuste, la loi. Ou que c'est pas que pour les embêter. Alors, si on avait une loi claire, ce serait pas mal. Ça pourrait aider tout le monde. C'est pour ça que la légalisation qu'on défend, c'est pas faire n'importe quoi. C'est juste mettre des cadres qui correspondent plus aux mœurs actuelles, parce qu'il y a aussi l'évolution des mœurs dont il faudrait parler, qui correspond plus à l'évolution des mœurs actuelles, mais avec des choses qui sont très précises. C'est-à-dire, c'est pas l'absence totale de loi ou l'absence totale de cadre, la légalisation. C'est la mise sur pied de choses dont on pense que ça peut être utile et ça peut être applicable. Voilà. Une loi non appliquée a des effets pervers. En France, on vient d'adopter une amende forfaitaire. Alors, l'appellation est un peu traître, puisqu'on croit qu'effectivement, une fois qu'on aura payé ce forfait, on va être tranquille. En fait, ce n'est pas du tout le cas, Virginie Gautron. Alors non, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que ce qu'il y a encore de plus traître dans cette histoire, c'est que tout le monde pense que c'est une contraventionnalisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'usage de stupéfiants, c'est un délit puni d'un an d'emprisonnement et qu'on va remplacer donc cette peine encourue d'un an par une somme d'argent et donc forfaitisée. Or, ça n'est pas du tout une contravention. C'est-à-dire que on change rien à l'infraction, on va conserver cette peine d'emprisonnement encourue. L'amende forfaitaire délictuelle, c'est juste une procédure et donc ça reste un délit. Ça n'est pas une contravention. Ce sera, je dirais, alors j'évoquerai ensuite la question de l'emprisonnement, mais surtout, c'est une réponse qui sera beaucoup plus sévère en pratique que ce qui est pratiqué actuellement. Pourquoi ? Parce que, à l'heure actuelle, une proportion importante des usagers de stupéfiants, ou en tout cas de cannabis, qui sont interpellés par les services de police, font l'objet, dans à peu près, je dirais, un tiers des cas, pour la plupart des usages, un tiers des cas, font l'objet d'un simple rappel à la loi. Mais un rappel à la loi, c'est un classement sans suite, à terme, pas d'inscription au casier judiciaire, et puis pas de somme d'argent à payer. Or, l'amende forfaitaire délictuelle, alors ils ont réduit un petit peu le montant, et heureusement, parce que ce sera sinon guère praticable au regard des caractéristiques de bon nombre de prévenus sur le plan socio-économique. Donc, à la place d'un rappel à la loi, vous allez avoir à minima une amende de 150 euros si vous payez immédiatement entre les mains des forces de police. Si vous attendez un petit peu, ça va passer à 200 euros, et si vous dépassez un délai un petit peu plus long, là, on montera à 400 euros. Donc, la sanction, en réalité, est beaucoup plus lourde que ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, l'amende forfaitaire délictuelle, c'est assimilé à une condamnation pénale. Donc, par ailleurs, ce sera inscrit au casier judiciaire, ce qui n'est pas le cas des alternatives aux poursuites que j'évoquais. Et donc, les conséquences, elles sont beaucoup plus importantes. Elles sont, parce que le casier joue un rôle conséquent pour ce qui concerne trouver un emploi, etc. Enfin, ça peut être un obstacle. Et puis, évidemment, si la personne à nouveau est interpellée, à chaque fois, on monte d'un cran, c'est-à-dire que les magistrats du parquet, ils adoptent ce qu'on appelle généralement une stratégie de gradation des réponses pénales. Plus vous êtes interpellé, ça semble naturel d'ailleurs, plus la sanction est lourde. Comme avec l'amende forfaitaire délictuelle, on va monter d'un cran et que ce sera une vraie peine, comme si le tribunal correctionnel l'avait prononcé, mais on montera encore d'un cran la fois suivante. Et on sait aussi plus globalement que 60% des amendes qui sont prononcées au jour d'aujourd'hui ne sont pas recouvrées, parce qu'on a des difficultés à procéder au recouvrement. Donc là encore, on a un législateur et des ministres qui sont complètement déconnectés des pratiques, qui n'écoutent pas les professionnels. Voilà. La France restreint l'usage du chanvre à la fibre et aux graines, et la législation européenne, qui est supranationale pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais là, sur le cas du marché du chanvre et du lin, l'est, n'interdit pas l'usage du chanvre à une partie quelconque de la plante. Aurélien Bernard. Du coup, en fait, en voulant restreindre la loi européenne, la France se place en défaut, avec un autre principe aussi, qui est le principe de la libre circulation des marchandises. On a une décision de justice, qui s'appelle le cassis de Dijon, où on ne peut pas restreindre la circulation d'un produit qui est vendu dans un autre pays. Et ces fleurs de cannabis light étant vendu librement en Espagne ou aux Pays-Bas, la France ne peut pas restreindre leur commerce. Alors, elle tente de le faire par les actions en justice et les perquisitions qui ont été menées. Il y a quand même l'adhésion de justice reste à la justice, mais il y a quand même beaucoup d'arguments pour les avocats de ces magasins pour faire comprendre à la France que ces perquisitions n'étaient pas du tout, pas forcément légales, mais n'étaient pas valables. Il n'y a pas une histoire de principe de subsidiarité entre les lois européennes et les lois nationales ? Alors, ça dépend des secteurs. Et là, sur ce secteur, la loi française ne peut pas restreindre la loi européenne. Et en plus, c'est lié à la politique agricole commune et aux subventions, au financement. Et là, pour le coup, la France ne peut rien faire. Il y a des cas où on peut restreindre, mais dans ce cas, elle ne peut pas. Et de toute façon, si elle est condamnée, elle risque de payer des amendes si elle ne veut pas changer sa législation. C'est un secteur qui serait bénéfique à la fois aux agriculteurs et qui développerait une quantité d'affaires assez incroyable et de magasins. On a tout intérêt, plutôt que de l'interdire et de forcer les gens qui veulent consommer de ces produits à acheter à l'étranger, à l'autoriser et à réguler en France la production, la distribution, la transformation, le marketing, la communication, la publicité. En plus, c'est fleur de chanvre. On n'est même pas sur le cannabis récréatif. On est vraiment sur une partie du chanvre qui a des principes actifs qui sont intéressants et qui ne défoncent pas. Moi, je l'ai vu, j'ai des amis qui ont une marque qui s'appelle French Farm avec un magasin qui a pignon sur rue où ils vendent des produits avec du CBD à l'intérieur et pas de fleurs, donc ils ont jamais été inquiétés. Ils vendaient des confitures et on avait un petit public de mamies qui venaient le lundi matin acheter leurs confitures parce qu'elles se soulageaient avec 3 tartines le matin et venaient renouveler leur stock. Aurélien Bernard, on imagine que dans des pays comme l'Espagne, il est beaucoup plus accessible effectivement de pouvoir fumer du cannabis, mais dans une ville comme Barcelone, on découvre qu'il y a une sorte de superposition des législations nationales, européennes et locales également, régionales. Ouais, tout à fait. Le Barcelone déjà, donc qui est situé en Catalogne, et profite de la liberté un peu catalane. La province d'ailleurs avait essayé de légaliser le cannabis fin 2017, et le putsch, enfin en tout cas le combat entre la Catalogne et l'Espagne qui voulait son indépendance, a fait que l'Espagne est revenue sur la loi catalane. En revanche, il y a une certaine liberté de consommation, de culture et d'usage du cannabis en Espagne au niveau national, ce qui a permis l'essor des cannabis clubs, qui sont en fait des lieux privés où une association de cultivateurs met en commun ses moyens de cultiver et se partage la récolte du cannabis. C'est sur cette législation-là que les cannabis clubs se sont formés. Et la loi espagnole autorise aussi tout un chacun à cultiver et à consommer chez soi, pour peu que ça n'alimente pas le trafic. Donc on imagine, il n'y a pas de chiffre précis de plantes maximum à avoir chez soi, mais tant que c'est dans des dimensions raisonnables et qu'il n'y a pas des quantités massives d'argent liquide dans le logement, on peut prétendre que c'est à but personnel. Et on a autour de ça, donc, qui peut paraître, vu de France, assez ouvert, on a quand même une interdiction de transport de cannabis sur soi, ce qui veut dire que quand on se déplace dans un cannabis club, on devrait normalement laisser sa consommation dans le club, retourner chez soi, sans rien sur soi, et si on doit consommer chez soi, avoir quelque chose chez soi qui a été cultivé. Alors, Barcelone est même apparue comme une sorte de nouvelle Amsterdam où ça a développé carrément un narcotourisme où les gens pensaient qu'ils pouvaient aller dans l'équivalent de coffee shop pour consommer là-bas. Et en fait, c'est pas du tout légal. C'est un peu la vision qu'en ont les Français, effectivement, que Barcelone serait une nouvelle Amsterdam. Ce qui n'est pas vrai, dans le sens où, normalement, les étrangers n'ont pas le droit de rentrer dans ces clubs s'ils ne sont pas cooptés par quelqu'un qui est déjà membre. Les clubs grossissent en membres, normalement, comme ça. Évidemment, certains clubs ont un peu dépassé cette frontière et acceptent les touristes sans recommandation. Mais c'est pas aussi libre qu'à Amsterdam. À Amsterdam, d'ailleurs, les coffee shops ont tous une licence qui est délivrée par l'État. Alors, avec le même problème de distribution, parce que la production de cannabis est interdite aux Pays-Bas, et donc les coffee shops se fournissent au marché noir, ce qui est exactement la même chose dans les cannabis clubs, dans une grande majorité, en tout cas, des cannabis clubs qui achètent des grandes quantités d'herbes ou de résine à des cultivateurs qui n'ont pas du tout déclaré. Mais ces cannabis clubs ne sont pas régulés par une législation nationale, en tout cas. On se trouve dans le cœur de la vieille ville de Barcelone, pas loin des Ramblas, et donc on va à la rencontre d'une association qui s'occupe des utilisateurs d'opiacés, qui s'occupe aussi de leur peine d'utilité publique. En fait, c'est des gens qui ont eu affaire avec la justice et donc il y a un suivi aussi pour le sauvrage. Hola. Hola. Hola. Lidia. Mucho gusto. Lidia, encantado. Lidia. Pues venga, os voy a enseñar el edificio, voy a enseñar el servicio. Está dividido en dos plantas, dos zonas de actuación. Petite lunette, barbichette grise, José nous fait visiter Abdo, son association d'aide aux personnes dépendantes aux opiacés. Por ejemplo, pensiones pequeñitas que pagan muy caras y se les va casi toda la pensión solamente para pagar ese poco espacio que contratan. Mira, vamos por aquí, os enseño. Esto es un comedor donde la gente puede comer, desayunar, lo que llamamos calor y café, que es un típico de la reducción de daños. Todo esto son. Il nous dit chaleur et café, c'est ce qui réconforte de tous les maux. La gente de la calle que no tiene donde dejar las cosas, la mochila y esto, pues se le da una taquilla para que pueda poner las cosas y esto. Todo esto, con que no hay espacio, hay que darlo por arriba y tal. Estos son para lavar la ropa, lavadora, la ducha para que la gente se pueda duchar, aquí lavabo. Un coin pour se poser, se laver, parler, se restaurer, régler ses démarches administratives, laver ses vêtements ou en trouver si besoin. Cumplir la ejecutoria. Vamos, sí, han tocado. La puerta. Vale. Hola, merci. Este es otro compañero de la asociación. Es argelino, compañero. Hola. Hola. Él habla francés. Ah, ¿vous parlez français? Y aquí actúan también lo que es los test. Un coin pour s'injecter des opiacés, un autre pour se faire dépister du HIV et de l'hépatite C. L'endroit est caché derrière un rideau de fer baissé, bariolé de graffitis colorés. Il est ouvert aux gens sans feu ni lieu. Il suffit d'appuyer sur la sonnette sans nom. Si le lieu est minuscule, la gentillesse de José est infinie. Nosotros lo que defendemos realmente es la calidad de vida de las personas que tienen dependencia a los opiáceos. Ce que nous défendons en réalité, c'est la qualité de vie des personnes dépendantes aux opiacés. O estamos en tratamiento de sustitución. Hay gente que tiene una dependencia a la heroína y entonces a través de la metadona, pues está. Dans cette association, nous sommes tous des usagers nous-mêmes. Nous avons tous été ou sommes encore dans la drogue ou dans la métadone, le traitement de substitution à l'héroïne, avec un programme de soutien. Malheureusement, depuis quelques années, il existe ici un tourisme de la drogue, des narco-appartements dédiés à la vente. Ces derniers mois, il y a eu une recrudescence des violences policières pour nettoyer le quartier des personnes qui s'injectaient des produits sur place et échouaient juste en bas dans la rue, parfois sur des matelas placés par les dealers sur le trottoir. Ils échouent là, jour et nuit. Il n'y a pas d'horaire pour l'héroïne ou la cocaïne qui ont des modes de consommation très compulsifs. La cocaïne. La gente, los vecinos tienen miedo, digamos, de el icono de aquí. Les voisins, les riverains ont peur. Nous sommes dans la vieille ville et ce quartier, El Raval, est symbolique de Barcelone. Il attire de nombreux touristes. Y aquí viene mucho turista, mucho turista. De hecho, fíjate, sabes que aquí en Barcelona, sobre todo, existen lo que son los clubs cannábicos, que son clubs para que los socios pueden comprar cannabis y marihuana. Y entonces ocurre en algunos casos que, claro, solamente pueden comprar. Il existe aussi ici des clubs de cannabis où seuls les membres peuvent s'approvisionner. Mais parfois, certains achètent le cannabis à l'intérieur pour le revendre aux alentours aux touristes. No es como en Amsterdam, que aunque seamos extranjeros, podemos ir a cualquier café shop y comprar y consumirla. Aquí no ocurre, porque tienes que ser socio. C'est pas comme à Amsterdam avec les coffee shops. Les étrangers ne peuvent pas entrer et acheter. Ici, il faut être membre du club depuis au moins 15 jours. On ne peut pas consommer tout de suite. Justement pour éviter ce genre de narcotourisme. J'ai consommé de l'héroïne pendant 25 ans. À 14 ans, suite à des graves problèmes familiaux et sociaux, j'ai commencé avec le cannabis, l'alcool, du dissolvant. À 18 ans, je suis parti faire l'armée. J'ai pas pu y rester parce que je continuais à consommer. À 19 ans, j'étais revenu dans mon quartier de Barcelone qui s'appelle La Mina. C'est là que j'ai commencé à m'injecter de l'héroïne. Et à partir de là, ça a été l'engrenage. Atracos, cartel, violence. Des braquages, de la prison, de la violence dans tous les sens du terme. Et j'ai donc une vie très marquée par la dépendance à la drogue. Et à raíz de tous mes contacts et amistades. J'ai rompu avec tous mes contacts et mes amis, et j'ai connu l'association avec qui je travaille aujourd'hui. Heureusement, je suis entièrement libéré des drogues maintenant, même des substituts. Je suis père de famille et je bénéficie de l'enseignement de toutes ces expériences pour aujourd'hui tendre la main comme volontaire dans cette association. La principale chose que je transmets, c'est que si vous consommez, faites-le avec des garanties sanitaires et de sécurité. Pour nous, c'est fondamental. C'est l'objectif de l'association. J'ai le grand bonheur d'être père depuis 2 ans et je veux transmettre de bonnes choses à mon fils. Malgré le fait que je ne veux pas qu'il sache toute la vérité sur ce que son père a été, je veux qu'il sache que ces problématiques ne m'ont pas déshumanisé. Je n'y ai pas perdu mon âme, au contraire. Cela m'a permis de devenir une personne meilleure et un bon père. Dans ce quartier où j'habite maintenant, El Rabal et le Barrio Chino, il y a toujours eu de la drogue. Mais jamais de cette manière, jamais avec autant de brutalité, avec des logements loués uniquement pour trafiquer de la drogue. Ce qui est sûr, c'est que depuis un an, il y a eu de vraies exagérations, et cela ne suscite l'intérêt d'aucune administration ou institution pour mettre fin à ces abus. C'est un quartier de gens humbles, de gens qui travaillent, mais les élites locales ne s'intéressent pas à ces populations. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. La ley me castigó a... La loi m'a condamné à 2 ans de prison conditionnelle et à des travaux d'intérêt général. Et comment elle s'appelle déjà? Celle qui m'a amené ici. L'auxiliaire de justice m'a trouvé ce lieu et m'a recommandé ici auprès de cette association. Pour mes caractéristiques et la vie que j'avais vécue. Bueno, yo soy delegada judicial, es decir, llevamos a personas que tienen una medida penal alternativa a prisión que el juez les ha impuesto, por ejemplo, o ya sean trabajos en beneficio a la comunidad. Je suis auxiliaire de justice, c'est-à-dire que j'aide les personnes condamnées à des peines juridiques alternatives à la prison. Dependencias o salud mental. Por ejemplo, aquí tenemos Abdo. Par exemple, des travaux d'intérêt général dans des programmes de formation spécifiques en matière de violence sexiste ou de dépendance à la drogue ou encore de santé mentale. Sans l'association Abdo, certaines personnes n'auraient aucun endroit pour accomplir leur peine et leur nombre d'heures. Ici, ils sont particulièrement bien encadrés. Ils accomplissent leur travail et sont aidés pour tous les aspects administratifs, financiers, médicaux et surtout émotionnels. Le problème avec une personne qui consomme des psychotropes, ce n'est pas uniquement la personne elle-même qui a un problème. C'est un problème social. Nous parlons d'un problème de mal-être dans la population. S'il est vrai qu'à la fin des années 60 et jusque dans les années 80, la drogue était une manière de se rebeller contre l'institution sociale, d'autant plus qu'ici, nous étions en pleine dictature, il n'y a pas si longtemps, il y avait ici une répression dure. L'addiction, c'est une boucle dont on ne peut plus sortir. C'est une prison que tu te construis. Circulaba por la noche en su coche un ciudadano proveniente de una fiesta super de ambiente mundano. Aturdido por la juerga y aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa computado a descansar. De repente y por sorpresa unos guardias apostados le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. Y él rotulaba con todo, se buscaba unos valientes que habían dado un serio golpe justo allí un minuto antes. A las 3 de la mañana nadie cree una palabra a un sujeto mal vestido en un coche destartalado. Aquí hay gato encerrado, dijo un guardia inteligente. Alors là, on est devant un de ces fameux cannabis clubs de Barcelone. Non loin des Ramblas, donc toujours un peu dans la vieille ville. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que ce cannabis club s'est tenu par des Français. On va aller les rencontrer. Lydia, enchantée. Enfin, alors, vous allez rentrer. Vous connaissez un petit peu les règles ou pas ? On va vous expliquer. Allez. Ah, mais c'est très joli. La première fois que vous venez dans un social club. Oui. Vous dites social club, vous, directement. Pourquoi ? Comment vous voulez appeler ça ? Non, social club, c'est... club social. Vous attendez à autre chose, non ? Quelque chose d'un petit peu plus... Non, c'est très bien. Ah, je sais pas comment, c'est vous qui devez plus le décrire que moi. Nous, ça fait 5 ans qu'on est ouvert. 5 ans ? Oui, ça fait 5 ans. Ça fait partie des premiers, mais aussi des derniers qui sont encore ouverts. Mais voilà, on promouvoit l'art, surtout. Comme vous voyez, on est une galerie d'art. Et je vous invite, venez vous asseoir avec nous. Je suis avec des amis, ce soir, c'est vraiment à la cool. Hein. On est... Vincent, on parle moins fort, il y a France Culture qui est ici. Non, tu tiens bien. J'en ai rêvé. Et ben voilà, ils sont ici. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ? Je vais pas vous proposer. Nous, on est en train de boire de vin et d'essayer d'en prendre. Très bien. Vous voulez espagnol ? Oui, c'est un petit vin de la partie de Galice, ce qu'on appelle Albariño. Vous voulez goûter ? Allez, c'est du vin sec ? Oui, vous voulez avoir sec, fruité un petit peu. Ah. C'est très sympa. Mais juste le nom de l'artiste qui est exposé. Alors, aujourd'hui, ou s'il y en a plusieurs. Notre parrain, en fait. Aujourd'hui, on a Oreo, mais sinon le parrain de l'association et celui qui nous soutient depuis le début, c'est Chaka, c'est un artiste français qu'on adore, qu'on respecte énormément, qui est assez connu en France. Et c'est celui qui nous a, dès le départ, apporté son soutien sur ce projet et avec qui on fait une exposition par an. C'est tous les mois de juin, voilà, de chaque année. On a une exposition de chacun, Marshall, il s'appelle. Voilà, Marshall Mitoire. Ici en Espagne, la consommation et la tenance dans la voie publique, ce n'est pas une cause pénale. C'est-à-dire, c'est une amende économique, c'est 601 euros. Et ça, c'est depuis une loi qui était rentrée avec l'ancien président Mariano Rajoy du Parti Popular, de droite. Et avant, c'était 300 euros. Mais c'est avec des quantités minimales, c'est-à-dire, c'est pas la même chose qu'on te trouve avec 5 grammes qu'avec 5 kilos, bien évidemment. D'abord, moi, je voudrais encadrer comment viennent les Cannabis Social Club en Espagne. D'accord ? Donc ça vient de la loi anti-tabac. C'est une loi à niveau européen qui interdit aux endroits qui sont fermés, closes, de fumer. Mais par exemple, plus des bars ou des restaurants, des centres sportifs, mais on ressemble plus à des bars et des restaurants. Donc, dans la loi espagnole, qui est une loi administrative, il y a une disposition additionnelle qui parle de club social privé de fumeurs. C'est-à-dire, c'est la traduction littérale de l'espagnol. Et à partir de là, on pense... Et c'est pour ça qu'on a développé notre cabinet et moi-même, on a développé la première licence de Cannabis Social Club à Barcelone. C'était une épreuve. Et on a développé ça. Et il y avait des réquisits pour ça. Les réquisits, c'est d'être une association sans but lucratif. L'autre réquisit, c'était d'être majeur, 18 ans. Et donc, nous, on recommandait d'avoir 21 ans parce qu'il était démontré que scientifiquement, il y avait une part du cerveau qui ne se développait pas jusqu'aux 21 ans. Donc, pour ne pas être vu comme des trafiquants, on disait non, mais de 18 à 21 ans, on ne prend pas des membres des socios, non, dans ce club social privé de fumeurs, dans ce cas-là, de cannabis. L'autre, c'était être membre. Bien évidemment, être membre, mais venir avec un parrainage, un membre qui est déjà auparavant membre. Et le dernier, c'était de ne pas commercialiser avec des biens consommables. Ça ne voulait pas dire que le législateur soit qui voit le futur. Il ne pensait pas du tout au club social privé de fumeurs de cannabis. Il pensait que cette loi, je permets ces gens-là de fumer dans un endroit fermé, mais qu'ils ne se convertissent pas dans des bars et des restaurants couverts. Parce que pourquoi ? Le plus important, c'est que dans les bars et les restaurants, on ne peut pas fumer. Donc on irait en contre de l'activité principale qui est encore la licence maintenant de la mairie de Barcelone qui a changé et elle a évolué, l'association de consommateurs de cannabis, parce qu'on ne fume pas simplement, on consomme aussi. Amina Omar Nieto, est-ce qu'on peut comparer les Cannabis Social Club de Barcelone à des coffee shops comme à Amsterdam ? Il y a beaucoup de différences. Moi, je crois que non. Non, vis-à-vis que les coffee shops sont des sociétés. Donc, ils ont un but lucratif. Parce que les sociétés ont des buts lucratifs, c'est normal. Nous, on est une association sans but lucratif. Le deuxième aspect, c'est qu'eux, ils sont des publics concurrents, c'est-à-dire publica concurrencia, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer. Et ici, non. Il faut être membre, parrainé d'un autre membre, être majeur. Et surtout, et le plus important de tous les réquisits pour être membre, c'est être auparavant consommateur habituel de cannabis. Dans un coffee shop, on ne demande pas ça. Par exemple, dans un coffee shop, imaginez-vous une personne qui ne consomme pas. La typique cas d'un couple qui va et la femme, pour ne pas être, je veux pas être sexiste, mais bon, normalement, sinon l'homme qui ne fume pas et la femme qui fume, comme ça on est mieux. Donc l'homme ne consomme pas et je pose mon joint dans le cendrier. Et lui, il est en train de fumer une cigarette et il prend le joint sans vouloir. Ça, c'est un attentat directement contre la santé publique parce que c'est un délit, un procédant, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait en voulant, mais il est comme ça. Donc il faut faire très attention. Donc le coffee shop, ce n'est pas la même chose que les clubs social privés de fumeurs de cannabis en Espagne, mais ils ont la même hypocrisie qu'en Espagne, parce que même s'ils ont des coffee shops, même si l'État prend des taxes, même si c'est des sociétés, ils n'ont pas droit de faire des cultures, donc ça tombe comme chez nous, dans le ciel. C'est comme c'est des fêtes maintenant, c'est le Père Noël qui nous ramène par la cheminée, soi-disant. Les cultures, la production, les fleurs. Et ils n'ont pas droit non plus en Amsterdam de faire de transport. Donc c'est tout le stock qui est dans le coffee shop. Je ne comprends pas. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, Amina, est-ce qu'on peut préciser, il y a des gens qui prétendent que Barcelone, c'est la nouvelle Amsterdam. S'il est un touriste, qu'il est là pour une semaine, alors il fait des copains, alors tu connais, et il y a quelqu'un qui peut le parrainer pour rentrer, et qu'il est consommateur, il n'y a pas un problème. Mais qu'est-ce qui se passe avec les touristes qui sont là pour un jour? Qui c'est qui le parraine? qui c'est qui est consommateur habituel de cannabis? Donc quand on serait en train de fomenter la consommation de quelqu'un, c'est le même cas que quand quelqu'un n'est pas fumeur et il prend un joint au lieu de prendre la cigarette qu'il y avait dans le cendrier, c'est-à-dire ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas parce que c'est interdit. Et ce n'est pas la jurisprudence qui a dit ça non plus. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas bien et ce qui est un délit, d'accord avec l'article 368 du Code pénal espagnol, c'est l'incitation à la consommation et la publicité. Donc, si les touristes arrivent là, ils arrivent parce qu'ils arrivent tout seuls ou ils arrivent parce qu'il y a des webs qui font de la promotion illégale. Parce que pour moi, c'est ceux-là qui font le délit. Les gens qui ont des webs, pas les clubs. Ces associations sont en train de fonctionner correctement. Moi, je sais que je fais partie des premières associations qui ont ouvert à Barcelone en 2013. Et je fais partie aussi des seules qui sont restées ouvertes. Parce que justement, j'ai essayé, moi, en tant que Français, respecter le maximum les règles qu'il y a par rapport à la création d'un établissement comme celui-ci. Donc, quand je dis respecter les règles, ça veut dire que moi, je viens d'une culture française qui fait que j'ai grandi dans une atmosphère où le cannabis est très interdit. Et une fois qu'ici, je suis arrivé et que j'ai vu que des établissements comme ceux-ci pouvaient ouvrir, j'ai décidé de respecter pas à 100% la législation, mais à 200%. Et grâce à ça, et grâce à Amina et toutes les règles qu'on a mis en place, ben, j'ai eu certaines inspections et je suis encore là, voilà, parce que je respecte toutes les règles. Il y a énormément de gens qui ont cru que c'était la fête, que ça y est, c'était bon, c'était la porte ouverte. Donc, ben non, ils ont investi de l'argent, ils se sont mis dans cette industrie. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il y a eu les premières inspections, ils ont vite vu qu'il fallait respecter certaines règles et que c'est pas quelque chose de facile. Et donc, il y a des opportunistes, surtout des étrangers qui sont venus, qui se passent les règles par-dessus de la tête, pour être très poli, et qui font que Barcelone se convertisse ou qu'on le voit comme une nouvelle Amsterdam, alors que moi, j'étais très fière, et très très très fière comme cabinet, de participer dans ce mouvement, de participer dans la première licence de l'association de cannabis. Et maintenant, ça me fait même un peu honte. Et je voudrais vraiment aider, et j'en aide depuis le cabinet, les administrations publiques pour finir avec les associations illégales, pour éviter ce tourisme, pour éviter les pratiques qui sont illégales, du point de vue du code pénal. La légalisation dans des pays autres que la France, c'est quelque chose qui a été véritablement réfléchi, conceptualisé, enfin, avec des repères très précis. Il y a le Canada qui a fait un travail remarquable. Michel Hautefeuille. Qui prend de façon très claire tous les arguments qu'on peut opposer à la légalisation et qui répond alors à la canadienne avec leurs problèmes spécifiques. Et puis on a aussi à s'inspirer de toutes les expériences qui peuvent exister maintenant, quand même. C'est-à-dire qu'on a du recul, à la fois par rapport à la légalisation, dans des pays comme certains États des États-Unis, ça fait 2-3 ans que le cannabis est en vente libre. Le premier truc qu'on peut voir, constater, qui est une évidence, c'est qu'il n'y a pas eu de tsunami, il n'y a pas les habitants du Colorado sont pas tous à tirer des joints en permanence, et il n'y a pas eu d'augmentation de l'usage pathologique du cannabis. Il y a une augmentation de l'usage récréatif, évidemment, puisque le produit est plus accessible. Mais il n'y a pas eu une augmentation, comme certains pouvaient le craindre. Nous, on savait que ça n'aurait pas lieu. Mais on pouvait comprendre que les gens craignent ça. Il n'y a pas d'augmentation de l'usage pathologique du cannabis. Dans un autre ordre d'idée qui n'est pas tout à fait celui de la légalisation, mais qui font partie des expériences dont on doit s'inspirer, parce que ça permet de calmer un peu les angoisses des gens. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, ils ont fêté le 20e anniversaire de la dépénalisation totale des drogues au Portugal. Et pour autant, c'est pas le pays le plus instable du monde. Bon, donc il y a des choses comme ça qui fait que cette légalisation, dans des tas d'endroits du monde, ça commence à devenir une réalité avec des philosophies différentes. C'est-à-dire que en Uruguay, par exemple, qui est le premier État à légaliser ça au niveau de l'État entier, le Canada, c'était le deuxième, en Uruguay, c'est un monopole d'État. Voilà, parce que c'est le choix qu'ils ont fait. Bon. Au Canada, c'est semi. Il y a une intervention de l'État, mais il n'y a pas qu'une intervention de l'État. Il y a une intervention de l'État pour tout ce qui est réglementation, normes, etc. etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent être laissées à l'appréciation des élus locaux. Et puis après, aux États-Unis, en fonction des États, il y a des trucs complètement d'inspiration libérale. C'est-à-dire, par exemple, à Denver, la seule chose qu'on demande à quelqu'un qui veut installer une boutique, enfin, qui veut travailler dans une boutique, c'est de ne pas avoir de casier. Bon, il y a d'autres États où on en demande beaucoup plus. Donc, on peut imaginer une légalisation à la française, s'inspirant de nos craintes, de nos peurs et de nos courages, qui fait qu'on déciderait de mettre sur pied cette mise à disposition de produits selon nos règles à nous. Et après, comme les parents, vous savez ce qu'on dit aux parents, c'est vous mettez des règles, mais quand vous mettez une règle, il faut que vous soyez sûr que vous allez être capable de la faire respecter. Bon, ben, là c'est un peu pareil. On va mettre des règles, parce qu'il en faut, mais il faut être sûr d'être capable de les respecter. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans notre système, Nathalie Latour, de construction de la politique publique, c'est que comme ça concerne la santé, le social, l'éducation nationale, eh bien... Et la sécurité et la police, on est dans quelque chose où tout le monde dit « Ah oui, mais c'est pas que moi. Oui, mais c'est un peu du social. Oui, mais c'est un peu de la santé. » Donc, qui finance? Comment on finance? Et on est parfois dans des situations que nous, on trouve un peu ubuesques, d'être dans une position où on n'arrive pas stratégiquement à faire travailler plusieurs ministères ensemble et à avoir cette vraie volonté de sortir de logique court terme et de logique sectorielle pour construire des programmes où tout le monde travaille ensemble et travaille sur de la durée. Michel Hautefeuille, effectivement, la France en a rajouté une couche dans cette ambiguïté de règles qu'elle n'est pas sûre de pouvoir faire respecter avec le vote récent de cette amende forfaitaire concernant le cannabis. Ah oui, c'est un superbe exemple de ce qu'il faut surtout pas faire. À tous les niveaux. Enfin, c'est aberrant. C'est de la toxicomanie à deux vitesses. C'est de l'invitation au braquage. C'est n'importe quoi. Oui, alors vous, Virginie Gautron, effectivement, quand on vous écoute, on comprend que la criminalisation est contre-productive. Oui. Mais alors, est-ce que la légalisation, vraiment, vous prôneriez cette direction? Alors, moi, très clairement, j'y suis favorable. Ceci étant, il faut pas avoir une vision naïve. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que renvoient les prohibitionnistes aux personnes qui, comme moi, sont favorables à la légalisation, où on nous prend pour de doux rêveurs ou d'anciens 68-arts, mais j'étais pas née à cette époque, comme si on pensait que, miraculeusement, le trafic allait disparaître, etc. Ça n'est pas le cas. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis à l'heure actuelle, pour un certain nombre d'États qui ont légalisé, bien évidemment, ça ne permet pas de supprimer tous les problèmes liés au trafic de stupéfiants et aux drogues de façon générale. Donc, ce serait pas un effet miraculeux. Mais ceci étant, pour ce qui concerne la jeunesse de notre pays, pour pouvoir vraiment adopter une politique de prévention qui ne se voit pas, et c'est le problème, c'est-à-dire que la population, elle veut des choses visibles et les gouvernements veulent leur proposer des choses visibles pour gagner ou ne pas perdre des électeurs. Mais la prévention, les démarches sanitaires auprès des jeunes, c'est ça qui fonctionne en réalité. Donc, et quand on voit par ailleurs les sommes, les milliards, alors c'est des estimations, c'est pas évidemment une objectivation parfaite, mais quand on évalue le marché de la drogue à près de 3 milliards d'euros, il faut quand même imaginer dans quelle poche vont ces 3 milliards d'euros. Et ce que préconise, et d'ailleurs pas que les enseignants-chercheurs, mais vous avez aussi beaucoup d'addictologues, si vous écoutez des thérapeutes de la Fédération Addiction, etc., qui sont favorables à une légalisation, alors qu'on ne peut quand même pas leur reprocher, leur dire « vous souhaitez que les gens fument ou consomment », bien au contraire, leur travail consiste justement à éviter... Ce type de problème, eh bien, c'est justement parce que on a des résultats à l'international qui nous montrent bien que c'est pas la tragédie une fois qu'on légalise. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est un problème politique, c'est pas un problème médical. Bruno Falissa. Il y a eu quelque chose de très intéressant, d'ailleurs. J'ai appris il y a pas longtemps que des Allemands avaient fait une requête devant la Cour constitutionnelle allemande, arguant du fait que le gouvernement interdisait, pénalisait la prise de cannabis et pas la prise d'alcool, alors que finalement l'un n'était pas plus toxique que l'autre, et que c'était pas juste. Et la Cour constitutionnelle a décidé que le gouvernement avait le droit de faire une discrimination des toxiques, parce que, en fait, l'alcool étant inscrit dans la culture allemande, la société s'est organisée autour de la prise en charge de l'alcoolisme. Et qu'un nouveau toxique pourrait ne pas avoir une prise en charge qui soit sécurisée de la même façon au niveau de l'État. Donc c'est intéressant, parce que c'est en partie faux, parce que quand même, il n'y a aucun pays dans lequel la prise en charge de l'alcoolisme soit un franc succès. Mais on voit l'arrière-pensée et que la société a accepté le toxique, il est inscrit dans sa culture. La faiblesse comportementale par rapport à la prise d'alcool est quelque chose qui est relativement toléré. Mais alors que pour un autre toxique, eh bien là, c'est quelque chose de pas acceptable. Donc c'est vrai que ça, donc on voit que c'est absolument pas un problème clinique. C'est vrai que cliniquement, le cannabis est un toxique, mais il n'est pas un toxique pire que l'alcool ou le tabac. Mais politiquement, c'est une autre affaire, et donc la société gère ces questions de santé publique comme elle le souhaite. Et donc, voilà, nous avons décidé collectivement que parce que l'alcool était quelque chose auquel nous étions habitués, pareil pour le tabac, alors on l'accepte, et que les autres on l'accepte pas. Mais ça va changer, hein, bien entendu, puisque là, les dernières données du baromètre santé montre que la génération d'adolescents qui consommaient beaucoup de cannabis il y a 15 ans, maintenant ils ont vieilli, on pensait qu'ils en consommeraient plus, qu'ils en consommeraient plus, que c'était un mouvement lié à l'adolescence, et ils continuent à consommer quand même pas mal. Et donc dans 15 ans, ils auront 45 ans, 50 ans, et un jour, il y aura collectivement la décision de dire que le cannabis, finalement, c'est quelque chose qui est accepté culturellement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade. Dans 15 ou 20 ans, ça sera déjà passé. Prohiber, dépénaliser, légaliser. Avec Marie-Geoffrey Rostide, sociologue, Michel Hautefeuille, co-auteur de La légalisation des drogues, une mesure de salut public aux éditions Odile Jacob, Virginie Gautron, maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles, Aurélien Bernard, fondateur de Newsweed, José Carbonel, Javier, Robert, Boilemmer, guide de l'association Abdo, et Laura Aguila, auxiliaire de justice, Amina Omar Nieto, avocate, Nathalie Latour de la Fédération Addiction, et Bruno Falissard, chercheur INSERM sur la santé des populations. Je perds la raison. Est-ce un maléfice ou l'effet subtil du cannabis? Prise de son, Marcos Darras, Hélène Langlois, Cyprien de Limerville et Pierre Quintard. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Doria Zemine. Un documentaire tout à fait légal de Lydia Benitzrak.